avant bon comme ministre des Affaires étrangères. Ce Kajala qui était au Nel 7-7-60. Et tout pas mon aîné, bébé la Kibisoye, a pété ça qui a gagné qui est. Ce qui a pété ça qui n'a quitté au Nel Loyo, tout sous Kanamawa. Et tout bas mon aîné, bébé la Kibisoye, a pété ça qui a gagné qui est. Ce qui a pété ça qui n'a quitté, on est le loyo, tout sous Kanama. Nalingao, Nalinga tatana naï bambokoe. Mouana maman, Nalingao, Nalinga tatana naï bambokoe. Pendant ne sais quand j'allais bambokoe, mon tatan sa yote.